Thank you.

Thank you. deux accords, mais ils sont vachement beaux. C'est pour bouger ton petit cul. Jeffrey, remets-nous les glaçons. C'est toi qui faisais les... Ouais, c'est ta guitare. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, je croyais que c'était Karma qui avait balancé un truc avec, avec ma cible. Et en fait, c'était toi le synthétiseur, enfin, guitare synthé, quoi. Son de synthé, quoi. Grand bleu. Roberto, mi palmo.